Donc le titre de l'intervention, c'est « Le réfugié, l'étranger, le travailleur ». Donc je vais vous présenter l'ébauche, vraiment l'ébauche d'une enquête sur des endroits dans le Liban, contemporain. Pardon. Donc Nathie, merci beaucoup de m'avoir donné l'occasion d'intervenir dans le cadre de cette journée. Bon, ça tient pas, c'est pas grave. Je voudrais juste dire que c'est une intervention que j'ai essayé de construire dans le prolongement d'une réflexion qu'on a déjà finalement depuis plusieurs années et qu'on partage avec beaucoup autour de cette table et dans le public, qui a été notamment, pas seulement, mais notamment initiée par Isabelle Grangot à Aix avec Thomas qui est ici et Simona Cerruti. Je dis ça parce que ce matin, elles avaient un séminaire qui s'appelait aussi donc l'appartenance locale et ses droits. Et on est engagés ensemble dans le cadre d'un projet de dictionnaire des mots de l'appartenance. Et donc, c'est forte des premières pistes de réflexion qu'on a pu conduire dans le cadre de ce groupe que j'ai essayé de penser cette ébauche de papier. Alors, dans le cadre de ce groupe, moi, j'avais essayé de travailler effectivement sur des dépossédés ou des sans-voix et des sans-droits aussi, certainement. Dépossédés en termes normatifs, mais aussi et surtout en termes de capacité, de ressources ou de statut. Et en particulier, j'avais fait une petite enquête dans le centre-ville de Beyrouth sur des locataires expropriés. Donc peut-être que ça fera des passerelles avec ce dont va nous parler Hélène tout à l'heure, donc avec une réflexion autour de la revendication du droit au logement et donc du droit à la ville dans des contextes de très rapide gentrification. Puis travailler aussi avec un autre collègue qui s'appelle Amin Halal sur d'autres formes de sans-droits, c'est les sans-droits au travail, et donc une réflexion sur les mouvements ouvriers dans des contextes très très peu protecteur par le travail. Alors, ce que j'aimais bien dans le cadre de ces réflexions, et c'est pour ça que je suis contente d'être ici aujourd'hui, c'est cet effort d'interdisciplinarité prise très au sérieux ici. Interdisciplinarité avec l'idée d'indiscipline, c'est-à-dire non pas de chaos, mais d'essayer de sortir un peu de nos zones de confort disciplinaires dont on ne se rend pas toujours compte, de mettre à l'épreuve certaines des associations qu'on fait, de mettre à l'épreuve certains des paradigmes ou des concepts avec lesquels on a l'habitude de travailler, et de regarder comment d'autres les travaillent. Alors, ce que je vous présente aujourd'hui, c'est en réalité, c'est pour ça que j'étais un petit peu embêtée au début, pas vraiment une enquête originale, mais plutôt une série de questions à partir de l'épreuve que constitue l'arrivée massive de Syriens dans le Liban contemporain et dans le contexte de la guerre qui a lieu en Syrie depuis maintenant 5 ans, pour réfléchir sur la formation de catégories, sur des formes de glissement de statut, mais aussi de représentation sociale, avec les formes de citoyenneté pratique que cela engage, questionne, soulève. Alors, je voudrais dire aussi que, je le dis comme ça en introduction parce que vous êtes pour la majorité des historiens et parce que vous avez beaucoup plus, je pense, que moi, l'habitude de travailler sur les droits en général. J'ai eu la chance ces dernières semaines de lire une thèse qui va être soutenue la semaine prochaine à l'ENES de Samer Hamroun, qui s'appelle « Effet d'État, le juge des enfants, les tribunaux de la charia et la lutte pour la famille libanaise ». L'un des grands intérêts de cette thèse, parmi d'autres, c'est la façon dont il montre comment, dans le droit de la famille, comme dans d'autres droits, la société libanaise est une société qui est gérée par un immense pluralisme juridique, en constante redéfinition, qui introduit toute une série, je dirais, d'espaces d'incertitude, d'espaces de redéfinition des frontières et des pratiques qui génèrent aussi des contradictions mais encore des innovations. Alors, c'est sur la base de cette introduction, je vais essayer de vous raconter je ne sais plus qui disait tout à l'heure qu'en fait on commémore le décès de Coluche, mais je vais vous raconter l'histoire d'un mec. Donc en réalité c'est l'histoire d'un ami de Sixtine qui est ici, avec qui j'ai préparé ce papier. Donc Sixtine a travaillé cette année avec moi à Beyrouth et je la remercie donc pour l'aide qu'elle m'a apportée dans la fabrication de ce papier. Donc c'est l'histoire de Abed. Donc Abed est né, il a 27 ans, il est né en 88 en Arabie Saoudite, de parents palestiniens de Syrie. Donc ses parents sont nés en Syrie, Ses grands-parents ont émigré de Cisjordanie où ils vivaient en 1948 vers la Syrie en passant d'ailleurs par le Liban. Donc de l'Arabie Saoudite où il a vécu jusqu'à 9 ans, il a un certificat de naissance. Donc Abed est palestinien de Syrie. Les Palestiniens de Syrie étaient considérés jusqu'en 2011 comme les mieux dotés, entre guillemets, des réfugiés palestiniens au Proche-Orient. Ils ne sont pas naturalisés syriens, évidemment, au nom du droit au retour, et pour des raisons politiques aussi. Ils ne disposent pas de droits politiques ni de droits civiques, mais ils bénéficient grosso modo des mêmes droits économiques et sociaux que les citoyens syriens, avec quelques restrictions notamment en matière de droit de la propriété. Donc ils ont accès à l'éducation, à la santé, à l'emploi, y compris à l'emploi public. Et pour les jeunes hommes, ils ont aussi le privilège et la contrainte donc de devoir effectuer leur service militaire dans une brigade ad hoc réservée aux Palestiniens de Syrie. C'est un détail important dans la trajectoire de Abed. Il dispose d'un statut de résident provisoire, d'un document de voyage syrien. Donc par exemple, quand ses parents habitaient en Arabie Saoudite, il dépendait de l'ambassade de Syrie en Arabie Saoudite. Et d'une carte d'identité qu'on appelle Hawiyé et avec laquelle ils peuvent se déplacer, ils sont identifiés. Donc beaucoup, comme Abed, habitent et travaillent dans des camps comme celui de Yarmouk, donc qui est le camp où habitait et travaillait Abed, il était dentiste, donc dans la banlieue sud de Damas. Donc Yarmouk comprenait 100 000 habitants, et vous avez certainement entendu parler du siège dont le camp a fait l'objet en 2012. Donc il n'y a plus aujourd'hui que 18 000 habitants à Yarmouk, soit des réfugiés palestiniens, soit des Syriens. Donc ils sont donc réfugiés palestiniens de Syrie. Qu'est-ce que ça veut dire? Les principaux États du Proche-Orient ne sont pas signataires de la Convention de Genève de 1951. Tu parlais tout à l'heure de droit universel, donc qui statue sur le droit international des réfugiés en général. Les Palestiniens au Proche-Orient sont reconnus comme réfugiés, la J'in, dans l'État où ils sont nés, où leurs parents sont nés, où leurs grands-parents sont nés. Je m'explique. C'est-à-dire là où, en fait, en 1948, les personnes déplacées ont pu s'inscrire auprès de l'UNRWA, qui est le programme des Nations Unies de secours et de travail pour les réfugiés de Palestine au Proche-Orient, qui a été créé en 1949. Donc l'UNRWA dispense ses services dans une soixantaine de camps au Proche-Orient. C'est la plus importante agence des Nations Unies. Elle emploie pour 90%, 99% de ses employés sont des réfugiés palestiniens employés sur place. C'est la seule agence des Nations Unies qui est consacrée à un groupe spécifique de réfugiés. Et ça a aussi son importance parce que c'est une institution instituante en quelque sorte. Hein, comme les politiques de la jeunesse créent la jeunesse, les politiques des pauvres créent les pauvres. Ben, l'UNRWA, quelque part, à travers son inscription de réfugiés, crée les réfugiés palestiniens. Alors, la définition qu'offre l'UNRWA des réfugiés palestiniens est une définition extensive, puisqu'elle définit comme réfugiés palestiniens les descendants des déplacés de 1948. Ce qui veut dire qu'elle reconnaît le statut de réfugié à des gens dont, qui sont nés là où ils vivent, voire où leurs parents, leurs grands-parents sont nés là où ils vivent. Ça crée des droits, donc ceux d'avoir accès aux services de l'UNRWA. Ça prive de droits aussi, hein, en particulier, ça en fait des réfugiés à part. Si bien que l'un de nos collègues qui a beaucoup travaillé sur les réfugiés palestiniens, le Sari Hanafi, dit que les Palestiniens dans la région ont perdu le droit d'avoir des droits. Il relève en quelque sorte d'une sorte d'apatridie, puisque finalement l'entité étatique à laquelle il se réfère peut être décrite comme un état fantôme. C'est Kamel Doray qui travaille aussi beaucoup sur les réfugiés qui utilise cette formule, en disant qu'il ne s'agit pas simplement de la Palestine, mais il fait des comparaisons avec par exemple le Kurdistan ou la Transnistrie, toute une série d'entités politiques qui à la fois peuvent conférer de la nationalité, mais sont très peu protecteurs en termes politiques, civiques, etc. Ils sont exclus des instruments mis en place par la communauté internationale au XXe siècle par rapport aux réfugiés, c'est ce que je vous disais. Ils ne sont donc pas protégés par le Haut Comité aux réfugiés, le HCR, ce qui est aussi ce qui n'est pas sans importance aujourd'hui pour les trajectoires des réfugiés syriens, palestiniens, enfin, les réfugiés palestiniens de Syrie, puisque hors des zones de compétence de l'UNRWA qui sont donc Gaza, la Cisjordanie, la Jordanie, le Liban et la Syrie, ils ne bénéficient pas du statut de réfugiés. Ils ont fait aussi les frais de nombreuses crises politiques régionales. Ils en ont d'ailleurs aussi eux-mêmes, ils ont aussi eux-mêmes contribué. Hein, on peut penser à la guerre civile libanaise ou à la Jordanie des années 70. Mais aussi, si on revient à l'histoire de Rabat, par exemple, aux sanctions des pays arabes à l'égard de la Palestine en 1991, quand les Palestiniens ont soutenu le régime de Saddam Hussein dans la guerre du Golfe. Donc, en l'occurrence, dans l'histoire familiale de Rabat, ses parents ont été expulsés, ou en tout cas n'ont pas pu renouveler leur carte de séjour en Arabie Saoudite. Alors, sans droit, sans voix. Évidemment, ce statut extrêmement précaire a donné lieu à des formes de présence et d'action politique variées dans ces pays limitrophes de la Syrie, qui servent à la fois de refuge, où ils sont soumis en quelque sorte à un droit, ou en tout cas un devoir plus exactement, de réserve. En particulier dans le cas de la Syrie, où on a souvent dit que les réfugiés palestiniens de Syrie étaient très peu revendicatifs politiquement parlant, en contrepartie des droits que leur offrait le régime syrien. J'ouvre pas là le débat, mais on pourrait y revenir ensuite, dans le sens où en sociologie politique, on a beaucoup travaillé ces dernières années sur ces vraies fausses articulations entre, par exemple, sur la façon, par exemple, dont les rapports de clientèle inhibaient ou pouvaient au contraire nourrir des formes de protestation, en tout cas de prise de parole politique et sociale. Bon, les pays limitrophes de la région ont servi de base arrière au combat pour la cause palestinienne. Je vous ai parlé tout à l'heure de la Jordanie et du Liban. On peut prendre aussi l'exemple en Syrie du leader du Hamas, par exemple, Meshal, qui avait son QG jusque assez récemment à Damas. Donc, les Palestiniens de Syrie ont souvent été décrits comme loyaux. Ils ont effectivement manifesté leur loyauté au régime au début de la révolution. Quand je dis « ils », évidemment, hein, c'est des catégories qu'il faudrait casser. Mais dans les représentations collectives et l'histoire qui est en train de se faire, la toute petite histoire à chaud qui est en train de se faire, je pense en particulier à un bel article de Valentina Napolitano sur les Palestiniens, sur Yarmouk en fait. Elle montre bien comment au début, en 2011-2012, la population de Yarmouk s'engage en partie derrière des opérations menées par le régime, par exemple deux marches sur le Golan, et comment une partie de la population bascule. Malgré le coût de la protestation, donc un coût à la fois parce que du fait de leur statut extrêmement précaire, mais aussi du fait du système de protection dont ils bénéficiaient. Donc ils prennent, pour beaucoup d'entre eux, ils prennent parole. Donc Abed militait, enfin en tout cas était proche du Parti communiste palestinien, mais il entre en militance, en tout cas il manifeste plutôt, plus exactement, avec les révoltés en Syrie. Beaucoup d'entre eux s'enfuient, s'échappent, donc utilisent une option d'exit. Hein, on utilise aussi souvent cette trilogie en sociologie politique, exit, voice ou loyauté. Donc loyauté, la prise de parole, les manifestations. Et donc Abed, comme beaucoup de ces, je ne sais pas comment dire, compatriotes entre guillemets, après avoir participé à quelques manifestations et à l'approche de sa conscription, enfin son enrôlement dans les brigades de l'armée syrienne, décide donc très rapidement de fuir et donc il franchit la frontière pour le Liban. Alors, il bénéficie pour cela d'une petite fenêtre d'opportunité qui s'est ouverte entre 2012 et 2014, où, pour des raisons humanitaires, les autorités libanaises ont ouvert les frontières aux réfugiés syriens. Mais ça, c'était pas très nouveau, parce que les frontières entre la Syrie et le Liban étaient extrêmement faciles à franchir pour les Syriens et pour les Libanais. Mais ont décidé d'ouvrir aussi, momentanément en tout cas, les frontières aux réfugiés palestiniens de Syrie. À l'inverse de la Syrie, le Liban était au contraire le pays réputé le plus restrictif en termes, dans la région, en termes d'accueil des Palestiniens. Donc il obtient un visa de 7 jours qu'il paye environ 20 €. Et qu'il acquiert, c'est Sixtine qui m'a dit ça, et je trouve que la remarque a du sens, dans la file étrangère à la frontière. Donc quand on passe la frontière entre la Syrie et le Liban, il y a une file arabe et syrien et une file étrangère. Donc lui, son visa, il l'obtient à la file étrangère. Donc le Liban a environ 4 millions d'habitants. 400 000 réfugiés palestiniens sont enregistrés à l'UNRWA au Liban, la moitié environ résidant aujourd'hui dans le pays, dont les deux tiers dans des camps, souvent décrits comme des espaces d'exception, en tout cas de suspension de beaucoup de droits, sinon de l'état de droit. C'est le cas de Shatila, où s'installe Abed. Donc Shatila, 13 000 habitants sur 1 km², qui ont accueilli depuis 2011 2500 Syriens et 2000 Palestiniens. Alors, l'expression d'état d'exception qui est empruntée à Agamben a été employée en particulier par Sari Hanafi pour décrire les camps palestiniens au Liban. On peut en discuter aussi, mais en tout cas, il l'utilise pour expliquer, enfin, en tout cas, pour mettre l'accent sur à la fois la suspension de l'état de droit, mais aussi la multiplication des souverainetés qui s'exerce sur la vie au quotidien des personnes habitant dans les camps. Donc ces camps sont gérés à la fois par l'UNRWA, je vous l'ai dit, par de nombreuses ONG, par l'État libanais aussi, dont les forces de sécurité n'entrent pas dans le camp, mais travaillent en coopération avec les comités de sécurité institués au sein des camps. Donc par exemple la justice, par exemple s'il y a un conflit familial, s'il y a un crime de droit commun, etc., la justice est rendue par la justice libanaise dans cet extrême pluralisme dont je vous parlais en introduction. Les camps sont évidemment aussi gérés, gouvernés par les différentes factions, autorités palestiniennes, donc le Fatah un temps, Hamas, et aussi les mouvements salafistes sur lesquels a travaillé en particulier Bernard Rougier. Donc des frontières complexes entre légalité, illégalité, entre normes et état d'exception, avec une sorte d'exacerbation de ce pluralisme juridique dont je parlais tout à l'heure, avec des droits très incertains, facilement révocables, y compris concernant le statut des Palestiniens au Liban. D'accord. Donc je vais aller très vite. Donc c'est... voilà, je sais ce que je vais dire. Ces camps, comme le camp de Shatila où s'installe Abed, sont des espaces qui accueillent donc des réfugiés palestiniens qui habitent là depuis plusieurs générations, mais accueillent aussi toute une série de populations disposant de droits précaires en forte vulnérabilité juridique, en particulier les travailleurs immigrés au Liban. Donc le marché de l'emploi, enfin la masse salariale, le million d'actifs au Liban est à 50% étrangers. Ces 50% sont divisés en 50% de Syriens, y compris avant la crise de 2011. Et les 50% sont essentiellement des travailleurs domestiques qui viennent de l'Asie du Sud-Est ou de la Corne de l'Afrique, qui entrent au Liban à travers des réseaux institutionnalisés gérés par des agences de recrutement d'immigration et qui sont au Liban sous un statut particulier extrêmement contraignant en termes de droit du travail qui s'appelle le statut de la kafala, c'est-à-dire que, pour aller vite, ils ont un référent, un garant qui est référent d'eux à la fois en matière d'emploi mais aussi en matière pénale, etc. Et donc souvent qui détiennent leurs papiers, etc. Donc beaucoup, il y a une très belle thèse qui a été soutenue récemment de Assaf Dahda, qui porte justement sur ces migrants de l'Asie du Sud-Est, et qui montre que malgré ce statut extrêmement contraignant de la kafala, un nombre important de travailleurs échappe, contourne ce statut, et notamment s'installe aussi dans ces camps palestiniens qui sont des endroits à la fois de loyer bon marché, mais qui sont aussi des endroits refuges en quelque sorte, dans la mesure où les forces de sécurité libanaises n'entrent pas dans le camp. C'est d'ailleurs ce qui arrive à Abed quand il perd son droit de séjour. Il était sorti du camp, il habitait ailleurs. Quand il perd son droit de séjour à Beyrouth, au Liban, il retourne habiter dans le camp qui lui sert en quelque sorte de lieu de protection. Donc Abed n'exerce pas comme dentiste au Liban, il travaille un temps dans une ONG de prise en charge des réfugiés syriens et il travaille même dans un moment sur le plateau de The Voice Arabe. Il donne des cours d'arabe. Donc je dois aller vite. Ce que je voulais dire, c'est trois choses pour conclure. D'une part, insister sur le fait que l'arrivée, si le phénomène massif d'arrivée de Syriens, qu'ils soient palestiniens ou syriens au Liban, est remarquable par son nombre et son importance, en réalité, il s'inscrit dans une histoire longue de mobilité à l'échelle régionale qui concernait, auxquelles les réfugiés palestiniens ont connu de nombreuses restrictions depuis 1948. Donc, par exemple, dans l'ouvrage qu'elle vient de sortir sur les relations entre la Palestine, entre la Syrie et le Liban, Elisabeth Picard parle à propos de ces relations syro-libanaises d'intimes étrangers. Pour décrire, elle évoque une sorte d'habitus nomade pour décrire la circulation au sein de la région, et une circulation qui ne concerne pas simplement des travailleurs dans les domaines de l'agriculture, du bâtiment ou des travaux domestiques, mais qui concerne aussi des familles entières, des intellectuels, des hommes d'affaires, des familles politiques qui sont divisées dans les différents pays de la région. Donc Abed a basculé dans l'illégalité. Je n'ai pas le temps de vous décrire comment, mais vous vous imaginez très facilement. Il est arrivé au Liban en 2012, il n'a connu que 3 mois de légalité. En réalité, ça n'a rien d'exceptionnel, c'est au contraire un phénomène massif. Les personnes présentes actuellement au Liban en situation d'illégalité sont très nombreuses, elles sont aussi peu visibles. Et c'est peut-être une différence avec ce que tu disais en introduction. J'ai pas le temps non plus beaucoup de développer, mais par exemple, lorsque Abed va demander, il va faire des tas de demandes de visa que je ne peux pas vous raconter. Mais en tout cas, finalement, il va en obtenir une pour aller au Brésil. Et la personne qui l'a cornaqué pour aller faire cette demande de visa lui a recommandé de ne pas dire qu'il est palestinien de Syrie, mais qu'il est syrien. Dans d'autres enquêtes que conduisent actuellement des collègues dans une institution qui s'appelle Lebanon Support, beaucoup des Syriens qui sont interrogés disent qu'ils adoptent le dialecte libanais pour essayer de disparaître le plus possible dans l'espace urbain, pour faire disparaître en quelque sorte leur syrianité. Alors je trouve que c'est intéressant en termes de dialogue aussi avec les historiens pour réfléchir sur ces traces, la façon dont on peut travailler ces catégories, la façon dont elles se traduisent en pratique sociale, mais aussi les traces qu'elles laissent. Je vous l'ai dit aussi, une question intéressante à discuter, c'est la façon dont finalement ces populations, donc vous avez compris qu'en termes de proportion, c'est le Liban actuellement est le pays au monde qui accueille le plus grand nombre de réfugiés en proportion. Vous avez compris que finalement la majorité sont dans des situations d'illégalité. Ça, c'est la norme. La norme est l'illégalité, ce qui laisse du coup la possibilité à de très nombreuses situations, pratiques, formes d'être dans la ville, etc. Voilà. Donc l'épilogue, c'est que Abed part demain. J'ai pas pu vous raconter toutes ces aventures, mais je les raconterai peut-être sur papier. Donc il part demain pour le Brésil. Ce que je voulais dire, donc, c'est à travers cet exemple, je voulais donc à la fois montrer comment on peut devenir effectivement sans droit, comment s'exerce néanmoins se revendiquent pratiquement des droits, comment on glisse d'une catégorie à l'autre, ces catégories étant productrices de normes, de contraintes et parfois d'opportunités, mais néanmoins de ne pas oublier les effets de violence, de dépossession, de faiblesse juridique, à vouloir trop chercher à montrer que malgré tout, malgré ces situations juridiques précaires, peuvent s'exprimer des formes de paroles plus ou moins silencieuses, des formes de citoyenneté insurgée, ordinaire, active. Je prends là un des termes qu'on utilise pas mal en ce moment en sociologie politique. La question de la visibilité, donc. Et finalement, comment penser cette absence de droit dans des contextes extrêmement pluralistes en termes juridiques. Voilà.